Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Danse antique, en toge sans doute, mais pas en toque, car les Grecs et les Romains répondaient présents quand il s'agissait de se trémousser sur le dance floor, la piste de danse. Mais qui dansait, quand, pourquoi, comment, et que nous reste-t-il de ces danses antiques? Il nous reste le vocabulaire, la chorégraphie de Corée, le chœur, la danse en groupe et de graphie, l'écriture, la chorégraphie, l'art de la danse, oui, cet art vivant auquel nous nous abandonnons à cœur joie. Marie-Hélène de Lavauroux, bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que les Grecs de l'Antiquité dansaient beaucoup? Oui, à toute occasion. Ils dansaient à toute occasion, mais alors la question se pose pour l'historienne que vous êtes, maîtresse de conférence d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest. Comment savons-nous qu'ils dansaient? Alors nous pensons bien sûr tout de suite à l'iconographie. Il y a de nombreuses représentations de danse. Oui, les représentations sont extrêmement nombreuses, surtout sur les vases grecs, mais on en possède aussi en sculpture et on va aussi en trouver sur les pièces de monnaie. Sur les vases grecs, ces représentations ne sont pas toujours faciles à interpréter parce que une image est forcément polysémique et toute personne a envie de l'interpréter en fait suivant sa propre culture. Mais pour l'interpréter correctement, il faut vraiment se laisser guider par ce que nous connaissons de la culture grecque et du contexte à la fois archéologique et de la civilisation. C'est très important parce que sinon on peut interpréter l'image dans tous les sens. Bah oui, le problème d'une image, l'image est statique en soi, elle ne bouge pas, alors que pour la danse, il y a du mouvement, il y a du vivant. Marie-Hélène de Lavauroux, comment procède l'historienne justement pour réfléchir au mouvement dans l'Antiquité? Alors, il faut savoir que c'est une histoire qui a évolué. On est parti de Maurice Emmanuel en 1895 qui pensait que les peintres avaient eu la volonté de décomposer le mouvement par la juxtaposition de plusieurs personnages. Et il avait procédé de la manière la plus moderne qui soit pour son temps, hein, puisqu'on était en 1895. Il avait fait en fait exécuter par des danseuses professionnelles les mouvements qu'il pensait reconnaître sur les vases. Après est venu Germaine Prudhomo qui, en 1965, a filmé systématiquement les personnages des vases grecs et est arrivé à un certain nombre de reconstitutions de ce côté-là. Et moi-même aussi, j'ai extrêmement travaillé dans ce sens. Mais je pense quand même qu'il faut nuancer tout cela en fonction des images. Hein. Il y a des images qui ne s'y prêtent absolument pas. Et alors, bien entendu, une image fixe, que nous dit-elle? Eh bien, si on prend par exemple la Pixis à trois pieds du musée de Berlin, Charlottenburg, là, on a vraiment l'impression de voir des personnages qui se trémoussent. Hein. Il s'agit d'une Pixis, c'est-à-dire une petite boîte de maquillage hein, de la fin du VIe siècle avant notre ère. Et on voit des personnages qui effectuent quelque chose qui ressemblerait aux rondes jambes en l'air du French Cancan. Mmh. Enfin, qu'on est tenté d'interpréter dans ce sens. Mais voilà, si c'est une décomposition du mouvement, le film va très bien rendre, parce que le vase s'y prête très bien. Si c'est une image fixe, que va-t-on se dire? Eh bien, que l'on a un chœur de danse dont les personnes ne sont pas tout à fait ensemble. Oui, et là. Donc, voilà, ce n'est qu'un exemple. Hein. Ce n'est qu'un exemple parce que, effectivement, nous parlons de danse, la danse dans l'Antiquité, mais il faut mettre du pluriel à tout cela. Il y a des danses, il y a des moments, et puis, dès qu'il est question d'histoire de la danse, immédiatement, nous pensons à la musique. Ah, un extrait d'Oreste d'Euripide interprété par le groupe Kérylos. Alors là, nous nous situons au 5e siècle avant Jésus-Christ, Marie-Hélène de Lavaurous. Oui, il y a une histoire, et elle est formidable, de la musique dans l'Antiquité. Peut-on associer justement la musique et la danse? C'est logique dans notre analyse, mais toutes les musiques ne sont pas créées pour être dansées. Oui, effectivement, le mot orchestique, en fait, c'est un art qui est très complet, qui associe à la fois la musique, la danse et la poésie. Et donc, le mot dont vient orchestique, c'est le verbe au départ orchestai, qui veut dire danser. Orchéo à l'actif, c'est faire danser, et donc orchestai au moyen, c'est danser. Et donc, la musique est très importante. Et donc, non seulement on a la pièce d'Oreste qui a été jouée en 408 avant notre ère, on possède le texte par les manuscrits, mais un papyrus de Vienne, le G515, dit de l'archiduc Régnier, et daté du 3e siècle avant notre ère, donne les notes de la musique. Donc voilà, c'est extrêmement important. Et donc ce travail de reconstitution de la musique, de déchiffrage des partitions est réalisé par des spécialistes tels que Annie Bélis, tels que Sylvain Perrault, parce que la musique était notée suivant trois systèmes différents. Il existait un système de musique qui était pour le commun des mortels et que l'on peut retrouver inscrit sur un épinétrone, c'est-à-dire une petite céramique que les femmes tenaient sur leurs genoux pour pratiquer divers travaux que nous assimilerions à la couture. Et donc là, on a donc les partitions sur papyrus, elles sont dans un système de notation savante, un système vocal et puis un système instrumental. Et donc, on les connaît grâce au traité du musicologue Alypius au 3e ou au 4e siècle de notre ère. Et donc, c'est pas à la portée de n'importe qui de déchiffrer ces partitions. Donc, il faut être vraiment Annie Bélis ou Sylvain Perrault. Et puis, avec cette évidence, là, vous nous l'expliquez bien que l'écriture peut s'écrire. Bon, c'est dur à déchiffrer, mais elle s'écrit. Mais pour la chorégraphie, pour la danse elle-même, pour l'art du mouvement, là, c'est bien plus difficile de décrire. Marie-Hélène de Lavaurous, quelles sources avons-nous? Des sources textuelles? Alors, nous disposons de sources textuelles qui parlent beaucoup de la danse, mais qui ne vont pas forcément en parler sous un angle technique. Toutefois, on a un texte d'Aristophane dans Les Guêpes qui, à la fin de cette pièce, évoque la danse de Carcinos et de ses fils. Donc Carcinos, c'est le crabe. En fait, c'est un dramaturge et un acteur qu'Aristophane ne pouvait pas supporter. Donc il l'a réduit au stade d'animal muet, donc au stade de crabe. Et là-dedans, on a un vocabulaire extrêmement précis. Par exemple, Riptescelos Uranion, jette ta jambe au ciel. Donc là, forcément, c'est un grand battement. On ne nous dit pas si c'est devant, de côté ou derrière, mais ça a des fortes chances d'être devant ou de côté parce que c'est là que c'est le plus facile à faire et que cela n'exige pas une trop grande souplesse du dos, mais ça en exige quand même, bien entendu. Ce qui veut dire que notre personnage de Philocléon, quand il défie Carcinos et ses fils, il est dans l'hubris, parce qu'il est âgé. Normalement, il ne devrait pas pouvoir danser ce type de danse. Il est en fait en forme exceptionnelle. Mais il est dans l'hubris, et ce que Aristophane veut montrer à travers ça, c'est l'hubris de la démocratie, parce que Aristophane, il est très conservateur, bien entendu. Donc voilà, dans ce passage-là, on a un vocabulaire très précis dont je ne vous ai donné qu'un exemple. Qu'un exemple, et ça tombe bien, Aristophane est avec nous. Eh bien, illustres enfants du marin, bondissez le long du sable et du rivage de la mer stérile. Ô frères des écrevisses, faites tournoyer votre pied rapide et que chacun lance des ruades à la manière de Phrynikos, afin que, voyant votre jambe en l'air, les spectateurs poussent des « Oh !» Tournoie, défile en cercle, frappe-toi le ventre, lance ta jambe au ciel, faites-vous tourbillon. Car lui-même, le souverain maître des mers, votre père, s'avance, enchanté de ses enfants, les trois roitelets danseurs. Allons, conduisez-nous dehors, si vous le voulez bien, en dansant rapidement. car cela, personne encore ne l'a fait. Congédier en dansant un cœur de comédie. Un extrait des Guêpes d'Aristophane lu dans le cours de l'histoire par Mélodie Auru. Marie-Hélène de Lavauroux, vous évoquez l'hubris et justement, nous venons d'entendre Aristophane. Eh bien, qu'est-ce que l'hubris ? En fait, il y a un peu de la démesure là-dedans. Oui, c'est exactement la démesure, l'hubris. Et donc, ce que vous montrez Aristophane, effectivement, c'est que, bien sûr, la danse n'est pas interdite à un vieillard, hein, mais voilà, il ne devrait peut-être pas faire de telles performances. Et surtout, le problème, c'est que Aristophane veut critiquer, à travers Philocléon, celui qui aime Cléon. En fait, il veut critiquer le personnage de Cléon, sur lequel Cécile Corbel-Morana vient de publier un très bel article qui s'intitule « La caricature du démagogue Cléon ». Et donc, c'est dans un colloque qui s'est fait sous la direction de Anne Gangloff et de Valérie Huette et de Christophe Vendry, qui s'intitule « La notion de caricature dans l'Antiquité ». Et donc, ce qu'elle explique, c'est que Cléon, il va être comparé à une truie, du moins pour la voix. Il va être ensuite comparé à un chien au moment, en fait, où Philocléon fait un procès chez lui parce que son fils avait tellement peur qu'il court et qu'il parte partout n'importe comment, et qu'il lui a inventé des procès à la maison pour le garder tranquille chez lui. Et donc un de ces procès, c'est de juger le chien Labesse qui est accusé d'avoir volé un fromage. Mais derrière ce chien Labesse, en fait, il y a le célèbre stratège Lacaisse qui est accusé de malversation lors d'une expédition en Sicile, alors non pas la grande expédition de Sicile qu'on connaît en 415 sous la direction d'Alcibiade et de deux autres stratèges, mais une expédition précédente qui s'est déroulée en 427-426 avant notre ère. Donc voilà, c'est pour dire que celui qui aime Cléon, l'adorateur de Cléon, Philocléon, c'est un personnage qu'Aristophane assimile à un fou et donc à l'hubris, parce que c'est l'hubris de la démocratie pour lui que Aristophane, en fait, reproche à Cléon, l'homme politique, d'avoir élevé le mystos des Héliastes, c'est-à-dire le mystos des jurés chargés de juger les affaires dans le tribunal populaire de l'Hélier, de deux oboles à trois oboles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystos ? En fait, c'est une petite indemnité qui est destinée à favoriser la disponibilité des citoyens pour les tâches telles que la justice et les magistratures. Et donc deux oboles, qu'est-ce que cela représente ? Pas grand-chose, parce qu'en fait, la drachme, qui est une pièce de 4,30 g d'argent, c'est le salaire journalier d'un ouvrier spécialisé sur le chantier de l'Acropole à cette époque. Et donc deux oboles, c'est le tiers d'une drachme. Hein. Une obole, c'est le sixième d'une drachme. Donc voilà, c'est presque rien. Et donc voilà, Aristophane, qui est conservateur, estime que la citoyenneté doit coûter et ne doit pas rapporter. Marie-Hélène de Lavauroux, si je vous ramène sur le dance floor, parce que nous avons avec Aristophane une certaine moquerie d'une forme de danse, mais la question se pose, pourquoi danse-t-on chez les Grecs ? Et là aussi, il y a une pluralité de réponses, évidemment. Alors, Aristophane se moque de quel type de danse ? Alors, il se moque en fait d'une danse qui n'est plus en accord avec l'âge, parce que Aristophane, en fait, il aime profondément la danse et il aime notamment des danses qui, aux yeux d'autres Grecs comme Platon, peuvent apparaître vulgaires. Il aime beaucoup, par exemple, le cordax. Le cordax, donc, c'est une danse qui, à l'origine, a été liée à Artemis Cordaca dans la région d'Élysse, hein, dans la partie occidentale du Péloponnèse. Et donc cette danse est devenue la danse de la comédie, et dans cette danse on se déhanche. Et donc je pense pas que ça soit le fait de se déhancher qui dérange Aristophane. Ça dérangerait Platon, hein, bien entendu, mais pas Aristophane. Mais c'est le fait que ça soit justement Philocléon qui la danse alors qu'il ne devrait plus la danser, sans doute à cause de son âge. Donc, en fait, Philocléon, quand il fait ses battements quelques vers auparavant, eh bien, il craque son costume. Et puis, il fait probablement aussi des pets, Hein, donc, parce qu'avec Aristophane, les plaisanteries, elles vont porter soit sur le sexe, soit sur la défécation. Ce sont des plaisanteries tout à fait classiques pour lui. Donc voilà, cette danse, voilà, ce qui est incroyable, c'est que Philocléon arrive à défier les crabes qui sont certainement quand même plus forts techniquement que lui. Donc on a les crabes qui dansent par terre. Et puis, on a Philocléon qui danse debout. Et donc, voilà, Riptesquelos Uranion, le grand battement, il faut quand même arriver à le faire. Et puis, justement, voilà. C'est peut-être le moment d'évoquer ces danses dionysiaques. Sous la vigne, le dieu reparaît. Les citadins s'abandonnent au vin nouveau, au parfum, au baiser lascif, à la gourmandise, en compagnie du dieu couronné de lierre qui assiste à la danse. La vie n'est plus mise en question. L'action naît de l'impression que la musique exerce sur l'âme. Dionysos délivre leur esprit de tout souci et va jusqu'à se déguiser en femme pour les troubler davantage. Les jeunes filles sont folles. Elles se saoulent en l'honneur du dieu, dansent en faisant des bonds désordonnés dans les bois et les montagnes et remplissent l'air de cris discordants. Le dieu du vin aime les yeux hagards, les chevelures flottantes. Et c'est le cœur heureux qu'il voit ses convives languissants et légers s'envoler. Et c'est dans ces orgies que naît la comédie. Dionysos ne leur a pas communiqué que l'ivresse du vin, mais aussi celle du théâtre. Les danses dionysiaques sur l'ORTF en 1964. Alors nous avons déjà évoqué Platon, nous évoquons cette Grèce antique et nous parlons de philosophes, même si nous ne sommes pas dans les chemins de la philosophie d'Adèle Vendrette, il est utile de faire intervenir les philosophes, et notamment Nietzsche. Marie-Hélène de Lavoroux, mais que vient faire Nietzsche dans cette histoire au moment d'évoquer les danses antiques ? Alors, Nietzsche est en fait l'inventeur de la distinction entre danse apollinienne et danse dionysiaque. Hein. Il a réalisé en fait cette distinction dans son ouvrage « La naissance de la tragédie » et cette distinction a été largement reprise évidemment par la suite. Cela vient en fait de la coexistence d'Apollon et de Dionysos à Delphes. Parce que l'hiver, en fait, Apollon part séjourner vers le nord chez les Hyperboréens, hein, qui est un peuple mythique et légendaire, donc dans le nord, mais vraiment aux confins du monde grec, un endroit que l'on ne connaît pas, donc qui du coup est mythique. Et puis pendant ce temps, Dionysos vient séjourner à Delphes. Alors, Apollon, on sait qu'il peut déclencher la maladie avec son arc. On sait qu'il est aussi le dieu de la lumière, le dieu des arts. Hein, c'est pas pour rien que Balanchine a fait une chorégraphie qui s'appelle Apollon Musagète. Hein, Apollon, c'est le conducteur de muses. Et donc, on va célébrer Apollon le plus souvent par un péant, une action de grâce. Donc voilà, les danses apolliniennes, ce sont des danses assez calmes, des danses pacifiques, c'est-à-dire ni gaies. Et puis la danse soudain s'interrompt quand la lumière se rallume sur la piste de danse. Justement, dans cette évocation de la danse antique, à un moment, il est peut-être question de clarifier le pourquoi de ces danses. Vous nous le dites clairement, mais Marie-Hélène de Lavoroux, il y a vraiment des moments décisifs pour ces danses. Alors vous évoquez Apollon, vous évoquez Dionysos. Suivant Nietzsche, hein, avec cette différence, la comédie, la tragédie. Mais il y a des moments dans la vie des Grecs où l'on danse, j'ai presque envie de dire, de manière civique. Alors, le moment où on va danser de manière civique, ça va être dans les fêtes en général. Par exemple, au Panathénée, vous allez avoir des concours de Pyrrhique, dans les fêtes pour Dionysos, et il y a les Dionysies champêtres, il y a les Lénéennes, il y a les Antestéries, il y a les grandes Dionysies, on peut aussi danser, hein, dans les Dionysies rustiques, vous avez une phalophorie qui est une procession emportant le phallos, hein, qui est l'emblème de la fécondité. Cette procession, on va la retrouver aussi dans les grandes Dionysies, et donc il faut imaginer imaginer que dans cette procession, il pouvait intervenir de la fête, des moments de danse, que en marge de toutes ces fêtes, on pouvait aussi danser de manière un peu plus privée. Donc là, s'exprimait aussi l'orchestique dionysiaque. Hein. Donc à ce propos, donc je rappelle que Dionysos n'est ni thrace ni asiatique, comme l'ont dit des auteurs anciens. Alors vous allez me dire que c'est toujours très délicat de critiquer les auteurs anciens. Oui, mais on sait par les tablettes mycéniennes que ce dieu existait déjà et qu'il était grec, hein, sous la forme Dionysos. Donc en fait, maintenant, on l'interprète vraiment comme l'étranger de l'intérieur, hein, pour reprendre la formule de personnes comme Jean-Pierre Vernant, Maria d'Araki, etc. Donc voilà, oui, la danse, c'est quelque chose de civique, bien entendu. Et puis on danse aussi à l'occasion de fêtes privées comme la naissance ou comme le mariage. Bon, ce sont des fêtes privées, bien entendu. Mais en même temps, ces fêtes sont un enjeu pour la citoyenneté, parce que lorsqu'il s'agit de la naissance d'un futur citoyen ou d'une future citoyenne, ou lorsqu'il s'agit du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne, la citoyenneté est tout de même en jeu. Oui, la citoyenneté, élément essentiel hein, dans cette réflexion que nous conduisons dans le cours de l'histoire sur France Culture à propos de la danse. Et justement, quand il est question d'antiquité et de citoyenneté, à un moment, nous sommes obligés de penser à l'Empire romain. Tiens, César, veut entrer en boîte. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? C'est pour vous. Ben, c'est une soirée privée, j'ai besoin de votre nom, j'ai une liste. Je suis Jules César. Jules César. Non, excusez-moi, ça ne va pas être... France Culture. Il va y avoir un problème sur la liste, je dois être sur la liste normalement. Écoutez, monsieur, ça s'écrit comment, votre César? Ça s'écrit C-E-S-A-R, Caesar, Jules. Non, j'ai un 7 à Paris, un Seine-Saint-Denis, j'ai un C+. Dites-moi, vous pouvez vérifier alors à Jules? Monsieur, je ne suis pas là pour... vous voyez, je travaille. Mais écoutez, je ne sais pas comment... Je connais la... J'ai une amphore à l'intérieur. Avec un J? U-L-E-S. Oui, effectivement. Jules César, vous pouvez rentrer, vous êtes à la table de la reine. Bah oui. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La prochaine fois, je te cueille. Alain Chabat qui est Jules César dans Astérix et Cléopâtre. Jules César qui jamais ne fut empereur, mais qui aurait été sans doute empereur du dance floor. Et avec nous, justement, Marie-Hélène Agarelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de langue et littérature latine à l'Université de Toulouse. Vous nous parlez depuis Toulouse. Merci à France Bleu. Et justement, dans cette réflexion sur la danse dans l'Antiquité, nous avons entendu toute une idée de Grecs qui dansaient à plusieurs moments avec des danses assez codifiées selon les cérémonies, selon les fêtes privées. Les Romains sont-ils des danseurs eux aussi? Alors, pour ce qui est de Rome, vous avez parlé tout à l'heure de la question des sources qui est essentielle. Nous n'avons pas les mêmes sources que pour la Grèce, et elles sont difficiles à interpréter, ce qui fausse souvent la vision et la lecture. Nous avons peu d'iconographie, et les textes dont nous disposons sont des textes issus de l'élite aristocratique romaine, qui a une vision de la danse qui n'est pas celle qu'a le peuple ou qu'ont ceux qui la pratiquent à Rome. Il y a donc fossé entre la vision que nous donnent les textes, ceux de Cicéron, ceux de Sénèque sous l'Empire, ceux de Quintilien plus tard encore, qui sont souvent des condamnations d'une danse pratiquée par le peuple et qui valorise presque essentiellement une danse plutôt virile, grave. La gravita, c'est une notion qui est mise en valeur par ces auteurs, qui valorise également une danse qui ne soit pas dionysiaque. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans les textes. Et on trouve ensuite, le relais sera pris par des moralistes et ensuite par les auteurs chrétiens. Oui, beaucoup de condamnations. Beaucoup de condamnations, nous le sentons bien, parce que c'est sûr que, quand nous évoquions tout à l'heure Aristophane dans la Grèce antique, il y avait une condamnation, mais qui était une petite condamnation dans un univers dansant. Alors que à Rome, nous sentons bien que la danse est regardée de manière avec un peu de méfiance quand même. Il ne faut surtout pas qu'elle soit dionysiaque, justement. Oui et non. Parce que là, je vous parle des textes qui sont issus d'une classe. C'est une élite aristocratique de la société. Mais dans la pratique, si vous êtes allé à Pompéi et si vous avez visité la Villa des Mystères, qui se trouve un petit peu à l'écart du site archéologique actuel, on trouve dans la Villa des Mystères, ça date de l'époque du règne d'Auguste, une magnifique fresque qui s'étale sur tous les murs de cette villa, dans une des pièces, où on voit représenter sans doute une initiation dionysiaque avec l'initié, la maîtresse de maison, mais aussi une danseuse qui est quasiment nue et qui tournoie, qui tourne sur elle-même. Il y avait donc une pratique privée qui venait contredire, de fait, ce que les textes nous disent, ce que nous avons conservé, du moins. Eh bien, justement, Marie-Hélène Garelli, vous évoquez Pompéi. Rendons-nous, alors, dans l'Italie, pas exactement à Pompéi, un tout petit peu avant la destruction de Pompéi. Oui, oui, nous partons dans le palais impérial, c'est Néron l'empereur. Nous voulons l'empereur ! Nous voulons notre Néron ! Nous voulons le rachidage de Rome ! L'empereur ! Trablède, et craignez-moi, plèbe glouton ! Pourtant, au monde, il est une personne, un seul être qui fasse trembler Néron. Qui est donc? C'est sa maman. Maman, je ne te crois. Dès qu'il aura terminé le couplet, tous ensemble, un gros coup de sifflet, ordre d'Agrippine. Mais il va nous faire étriper. Tant qu'Agrippine est vivante, c'est elle qui commande. Alors vous avez bien compris. Ceux qui n'applaudissent pas, un bon coup sur la tête. Sois tranquille, Niceto. Alors, un bon coup de sifflet, ensemble. Crois-tu que s'il avait gagné une bataille, il aurait recueilli autant d'acclamations? Passant sur son front de laurier immédiatement avant que ça ne tourne mal. Un extrait du film Les Week-ends de Néron en 1956. Néron est Alberto Sordi. Eh bien, justement, Marie-Hélène Garelli, nous avons cette image un peu lascive des danses avec Néron. Là, nous sommes dans l'archétype. Alors, c'est un péplum que nous venons d'entendre. C'est l'archétype de la danse comme contre-modèle. La danse est acceptable dans le monde romain, mais il ne faut pas qu'elle détourne le citoyen de la vertu, sa vertu civique. Oui, non seulement de la vertu civique, mais également des pratiques comme celle de l'orateur. L'orateur à Rome est guetté et peut être victime d'une volonté de s'exprimer en dansant, puisqu'on sait que les orateurs avaient une gestuelle très codée, mais très développée également. Ils ne doivent jamais se laisser aller à ce qui pourrait être de la danse. Sinon, on va leur donner des noms de femmes. On va transformer leur nom d'orateur en un nom féminin. Donc, c'est une condamnation également. Et je crois qu'elle est due aussi au développement très important à partir du règne d'Auguste, disons du 1er siècle avant notre ère, de formes de danse gestuelles qui sont éloquentes, ce qu'on appellera la pantomime. Et c'est ce qui guette la parole à Rome. La parole de l'orateur est menacée par la pratique d'une danse éloquente, d'une danse qui parle. qui va devenir quelque chose qui de très important dans l'ensemble de l'Empire romain, pas seulement à Rome, mais également dans tout l'Orient, l'Orient grec, qui est sous domination romaine à partir de, du règne d'Auguste, et qui va devenir une sorte de langage gestuel, pratiqué par des professionnels, bien sûr, mais qui va passionner toutes les populations de l'Empire romain, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident et du Nord jusqu'au Sud, y compris en Afrique du Nord. De l'importance de la pantomime dans l'Empire romain, eh bien justement, écoutez cette épitaphe en vers d'un danseur, il s'appelle Vincentius. Vincentius repose ici, gloire des danseurs de pantomime, vivant pour l'éternité sur les lèvres des hommes. Non seulement l'art qu'il pratiquait sur scène le fit aimer de tous, mais il était aussi le plus honnête des hommes. Bon, irréprochable et pur avec tout. Il n'y eut pas de jour où, dansant des légendes célèbres, il ne tint le théâtre en haleine jusqu'au coucher du soleil. Ici, il repose, sous terre, devant les remparts. 23 ans, il a vécu, plein d'ardeur, mais sain. Sa vie était plus éloquente encore que sa danse. L'épitaphe du danseur Vincentius, qui a été retrouvée dans l'Algérie actuelle. Alors, c'est un texte qui date du 3e siècle après Jésus-Christ. Dites-nous, Marie-Hélène Garelli, a-t-on une idée à quoi pouvait ressembler cette pantomime? Oui, nous n'avons pas d'image, nous n'avons pas d'iconographie concernant les pantomimes. La seule iconographie que nous avons, ce sont des pantomimes victorieux qui saluent après leur victoire. Donc nous avons une idée de leurs vêtements. Mais deux auteurs antiques, Lucien de Samosate, qui écrit un traité sur la danse qui est une défense précisément de la pantomime en 163, de notre ère, et ensuite au 4e siècle, nous avons un autre auteur qui est Libanios, qui écrit un contre-Aristide, un discours de défense également de la pantomime. En combinant ces deux textes, on arrive à comprendre que la pantomime, donc ce que nous en savons pour ce qui est des sujets, elle représente des mythes. Tous les mythes, et Lucien en fait un catalogue de tous les mythes qui sont déjà traités par la tragédie grecque et la tragédie latine, qui reprend les mêmes sujets. Donc connus de tous et qui sont en quelque sorte fédérateurs. Tous doivent pouvoir reconnaître ce qui est représenté sur la scène parce que on connaît les mythes et qu'ils sont de cette manière diffusés. La pantomime est représentée par un seul danseur qui va à lui seul jouer tous les rôles, représenter tous les rôles, tous les personnages qui sont présents dans cette pantomime. Et il est accompagné d'un chœur de chanteurs, puisque dans l'Antiquité, et c'est valable pour la Grèce comme pour Rome, la danse seule n'existe pas, mais la musique seule est toujours... accompagne toujours un chant. Donc on a un chœur de chanteurs et un danseur qui va représenter les diverses parties du mime avec un masque dont il peut changer au fur et à mesure de la représentation lorsqu'il change de personnage. Et sa gestuelle, on la déduit d'un texte de Plutarque, souvent, qui est un texte des propos de table de Plutarque, qui décrit les trois parties de la danse mimétique représentative du pantomime, les forailles, c'est-à-dire les déplacements, les schémata, qui seraient plutôt des poses, et la deixis, qui consiste à montrer. C'est resté longtemps mystérieux, cette deixis, mais il s'agit simplement d'un langage. On va montrer un certain nombre de choses, le soleil ou la terre, par exemple. Et il y a une grammaire dans cette gestuelle de la pantomime qui peut être comparée à la grammaire d'un texte. Ouais, c'est pas donc c'est une danse. C'est de se dire oui, effectivement. Non, mais il y a alors non pas une codification. Vous me parlez de grammaire, Marie-Hélène Garelli, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension de cette danse, mais réalisée par quelqu'un qui la maîtrise, au sens où tout le monde ne peut pas réaliser cette danse. C'est vrai, tout le monde ne peut pas réaliser cette danse. D'abord, il y a un apprentissage. Les danseurs sont formés très très jeunes. Ils appartiennent à une troupe. Ils sont formés à partir de l'âge de 5 ans. Et ils sont formés par des exercices extrêmement difficiles, des exercices d'acrobatie, de souplesse. Et ils sont aussi formés intellectuellement à la connaissance des mythes. Ils doivent connaître, Lucien de Samosate fait un catalogue des mythes que doit connaître le danseur, qui à la lecture, s'étend sur plusieurs pages. Donc il doit connaître la mythologie antique et savoir la représenter. Savoir représenter la mythologie antique, connaître évidemment ses mythes, ses dieux, et connaître également ses muses. Sami fili nolbis demis catargo obre de sona palseon e mas frenas donito. Prélude à une muse, interprétée par le groupe Kyrillos, Marie-Hélène de Lavaux-Roux. Avec vous, nous sommes dans la Grèce antique. Justement, dans cette idée de savoir comment bougeaient les corps, comment les danseurs, les danseuses interprétaient ces moments très particuliers que représente le moment durant lequel l'on danse. Vous avez toute une réflexion, mais vous y allez vraiment, vous avez reconstitué ces danses. Comment vous y êtes-vous pris ? Je travaille en croisant les sources textuelles et les sources iconographiques avec tous les problèmes que j'ai expliqués pour les sources iconographiques. Donc bien sûr maintenant, en fonction des avancées de l'histoire qui s'inspire de plus en plus de la sociologie et qui étudie les codes iconographiques, eh bien, bien entendu, on tend à interpréter quand même l'image comme une image fixe et savoir que la chorégraphie, on ne pourra pas la reconstituer. Mais voilà, les textes existent et donc dans le texte d'Aristophane que vous avez entendu, hein, si on l'entend en grec, en fait, ce sont des vers archiloquiens, c'est-à-dire des vers qui se composent d'un double rythme. Vous avez un rythme qui est dactylique, hein, c'est-à-dire un rythme binaire, et puis vous avez un autre rythme qui est ityphalique, et donc qui, lui, peut être interprété soit comme binaire, soit comme ternaire, mais qui assez souvent est interprété comme ternaire, c'est-à-dire à base de trochées, hein, longues, brèves. Donc voilà, la caractéristique de la langue grecque, c'est d'être musicale. Et donc, les valeurs métriques peuvent nous indiquer des éléments, mais il faut savoir en même temps que Denis d'Halicarnasse, au 1er siècle avant notre ère, nous disait bien que le poète était parfaitement libre d'ignorer complètement les valeurs métriques, voire de les inverser. Donc voilà, quand j'ai travaillé sur les bacchantes d'Euripide, non seulement j'ai bénéficié des enregistrements d'Emmanuel Lascoux, de Philippe Brunet, pour apprendre à dire moi-même le texte, et puis je l'ai dansé en essayant surtout de travailler sur le rythme ternaire des ioniques. Là, c'est vraiment un rythme ternaire. Donc voilà, je me laisse guider par le rythme du texte, par ce que dit le texte. Et puis, quelquefois, quand j'ai des indications techniques, j'en profite. Donc, sur la danse des bacchantes, il n'y en a pas énormément, mais on sait ce que faisaient les bacchantes, hein, qu'elles tournoyaient beaucoup sans prendre le moindre repère avec la tête jusqu'à tomber par terre. On sait aussi qu'elles effectuaient des penchées du corps dans diverses directions, qu'elles sautaient. Et voilà, donc voilà, j'ai fait tout ce qui était possible avec le masque, en sachant que le masque enlève évidemment beaucoup de visibilité. Oui, parce que le masque est très important hein, dans ces danses. Il y a comme une personnalité qui disparaît derrière ce masque. Marie-Hélène de Lavauroux, dites-nous, parce que c'est très difficile à la radio d'imaginer les danses, bien sûr, à quelles danses peuvent ressembler ces danses de la Grèce antique, des danses d'aujourd'hui, des danses d'ailleurs dans le monde ? Alors, pour un seul aspect seulement, je dirais qu'elle ressemble à celle de la danse traditionnelle grecque actuelle, de la danse folklorique. Hein. Et donc, ces danses, on peut les voir aujourd'hui au théâtre Dora Stratou, qui est animé par son président Alkis Raftis. Et voilà, mais ça serait valable pour les danses pacifiques en chœur, des danses où on ne se déhanche pas, vous voyez, des danses collectives. Mais dès que l'on rentre dans l'orchestique dionysiaque, c'est quand même bien autre chose. Et donc là, on va avoir toutes sortes d'éléments qui se croisent. Hein. On pourrait penser aux derviches tourneurs, mais le problème, c'est que les ménades, elles se tordaient vraiment dans tous les sens et que les derviches tourneurs, ils tournent extrêmement droit. Et bon, on pourrait penser à des techniques contemporaines qui s'inspirent des derviches tourneurs, mais en y mettant autre chose, en tournoyant et en penchant le corps. Je peux vous garantir que quand on le fait, on met très longtemps à le maîtriser et on tombe assez facilement par terre. On tombe assez facilement par terre avec ces danses. Oui, nous les aimons beaucoup, hein, ces danses dionysiaques, avec tout un aspect qui nous conduit dans ce monde de l'Antiquité. La Grèce, bien sûr, Rome, et Rome qui hérite de la Grèce, avec toute une réflexion sur qu'est-ce qu'une danse sacrée, qu'est-ce qu'une danse guerrière. Quand Rome, à son tour, entreprend la conquête du monde, elle s'imprègne de la prodigieuse civilisation grecque. Elle adopte ses croyances et ses dieux tout en les adaptant à sa spécificité. À Rome, le goût des conquêtes donnait la préférence au culte de Mars, le dieu de la guerre. Et chez les Romains, tout jusqu'à la danse faisait partie de l'art militaire. Des prêtres danseurs, les Saliens, armés comme des guerriers, célébraient le dieu. Alors que les Grecs en avaient fait un art, la danse ne fut pour les Romains, et cela malgré ses origines sacrées, qu'un divertissement inférieur, un moyen de plaisir. Et les danses étaient devenues si licencieuses que certains Romains se masquaient pour y assister. Le monde de la danse en 1978 sur Antenne 2, une émission d'Odette Joyeux. Justement, Marie-Hélène Garelli, nous entendons hein, qu'il y a encore l'évocation d'un certain mépris pour la danse, mais un mépris complètement à relativiser chez les Romains. Les Saliens ont été évoqués. Qui sont ces Saliens, ces prêtres ? Les Saliens sont une confrérie de prêtres qui sont les gardiens, en premier lieu, des anciles, c'est-à-dire les boucliers, dont le premier bouclier sacré, dont le premier est tombé du ciel sous le règne d'un des premiers rois de Rome, qui est Numa, qui en a fait faire 11 autres, donc il y a 12 boucliers et 12 Saliens, qui sont chargés donc d'un culte de Mars, bien sûr, mais qu'ils pratiquent au moins deux fois par an, en sortant en procession avec ses boucliers, avec leurs armes. Ils dansent, et leur danse est évoquée sous la forme de sauts répétés avec un rythme ternaire, donc celui du tripudium, qui est un terme qu'on trouve beaucoup lorsque on voit évoquer les danses romaines, tripudium, donc sauter sur trois temps, avec un temps marqué, le dernier temps marqué étant le troisième. Donc un rythme de marche, malgré tout, et qui devait être assez puissant, cette danse assez puissante en procession, puisque Catulle écrit un poème où il se moque d'une ville italienne qui a un pont qui est chancelant, et il lui souhaite de construire un pont beaucoup plus solide pour que, lorsque les Saliens y passeront, ils ne puissent pas être ébranlés par leur saut. C'est un peu comme une armée en marche, quand ils arrivent avec leur rythme ternaire, leurs boucliers, leurs épées, donc on a quand même quelque chose de proche, certainement aussi de la pyrrhique, puisque c'est une danse en armes que pratiquent les Saliens, il y a un risque de faire tomber un pont. Oui, ça veut dire que ça sautait dur quand même. Oui. Marie-Hélène Delavaux ou Marie-Hélène Garelli, hein, vous avez participé à cette nouvelle histoire de la danse en Occident publiée au Seuil. Et puis l'une et l'autre, hein, vous travaillez sur corps et voix dans les danses du théâtre antique, Marie-Hélène de Lavoroux, ou encore danser le mythe, la pantomime et sa représentation dans la culture antique, Marie-Hélène Garelli. Mais justement, dans cette évocation du monde romain, et là je m'adresse donc à Marie-Hélène Garelli, il y a un monde entier. Vous insistez dessus, Rome n'est pas simplement la ville de Rome en Italie. Y a-t-il des spécificités locales que l'historienne peut distinguer ? Vous parlez de spécificités locales de danse ? De danse, c'est difficile à identifier. Alors, tout dépend des danses dont on parle. On connaît mal les danses populaires pratiquées localement. On a beaucoup plus de renseignements pour la Grèce parce que Athénée, au IIIe siècle de notre ère, a fait un catalogue, en quelque sorte, de toutes ces danses. Pour ce qui est du monde romain, on a des façons de concourir qui sont différentes parce que on est dans la plutôt dans la Grèce dans l'Orient grec que à Rome, mais il y a malgré tout une je dirais quasiment une mondialisation si le terme n'était pas anachronique, mais c'est vrai sous l'Empire romain à partir du règne d'Auguste, il y a une circulation des artistes, une circulation des savants qui fait que on a plutôt une harmonisation des pratiques. Ensuite, il y a certainement des danses pratiquées localement qui vont être différentes d'une région à une autre. Mais sur ces danses-là, nous sommes beaucoup moins bien renseignés. Et ce qui est important, vous avez mentionné Néron dans un des extraits qui ont été diffusés. À partir du règne d'Auguste et sous le règne de Néron, l'idée qui va dominer pour les empereurs, ce sera de réaliser l'unité de l'Empire, parce que c'est extrêmement difficile. Et on mêle souvent la danse, justement, à cette idée d'unité. Alors, c'est excessif, bien entendu, la danse ne va pas jouer réellement un rôle politique, mais la construction des théâtres dans lesquels on va donner ces représentations, oui, va jouer un rôle politique à partir du règne d'Auguste, puisque Auguste va faire construire des théâtres jusqu'en Syrie, jusqu'en Palestine, qui sont d'immenses théâtres dans lesquels on ne représentait pas majoritairement des tragédies ou des comédies anciennes, ça date de quelques siècles déjà, mais on représentait des mimes ou des pantomimes. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de généraliser dans l'ensemble de l'Empire romain jusqu'en Orient, des pratiques une pratique qui est née à Rome, mais qui venait déjà de Grèce, qui avait été importée à Rome par des danseurs venus d'Égypte, d'Alexandrie ou de Cilicie, donc venus de l'Asie mineure. Danser antique, danser en toge. Eh bien, écoutez, merci vivement Marie-Hélène Delavaux-Roux de nous avoir conduit dans la Grèce antique et vous, Marie-Hélène Garelli, de nous avoir fait visiter, fait valser, mais là aussi c'est anachronique, cette histoire de la danse dans l'Empire romain. Une histoire magnifique, une histoire complexe, justement, cet art vivant. Le vivant ne laisse pas toujours de traces, mais l'historienne est là pour les déceler. Eh bien, dans le cours de l'histoire, nous retrouvons tout de suite maintenant Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, le passeport vaccinal qui fait débat et ses ancêtres. L'idée court toujours d'un passeport vaccinal qui pourrait nous permettre de reprendre nos circulations habituelles au sein de l'Europe et au-delà. Un dispositif de contrôle qui crispe encore alors que des pratiques liées à l'attestation de sa bonne santé se mettent déjà en place comme en Allemagne où dans certaines régions l'accès au commerce essentiel est conditionné à la présentation d'un test négatif à la Covid-19 du jour même. La possibilité de pouvoir fournir la preuve de son pédigré viral pour s'affranchir des frontières établies par l'épidémie pour ceux qui ont accès au vaccin pourrait créer de nouvelles frontières dans les espaces publics du monde entier pour d'autres. L'apparition de frontières par l'invention du passeport, c'est l'objet du numéro du magazine Faire l'Histoire, proposé par Delphine Diaz, spécialiste de l'histoire des exils politiques. En 2019, le détenteur d'un passeport japonais pouvait visiter 190 pays sans visa dans le monde. Le détenteur d'un passeport afghan, lui, n'avait accès qu'à 25 pays sans visa. Tout est dit, la liberté de circulation reste un idéal promu par les révolutionnaires français qui a un avenir très incertain. Objet mondial par excellence, le passeport se généralise au XXe siècle. Mais son ancêtre, le sauf-conduit, se diffuse bien avant. L'histoire contemporaine n'a pas inventé les frontières. Dès le Moyen-Âge, en Europe, qui connaît déjà ses marches à franchir, ses barrières et ses portes à ouvrir, des passeports sont délivrés par les pouvoirs locaux, alors qu'au XVIIIe siècle, le passeport devient un outil de contrôle des déplacements sous l'autorité de l'État. Un contrôle puissant et contesté. La liberté de circulation est revendiquée pendant la Révolution française dans les cahiers de doléances, une Révolution française qui la reconnaît, cette liberté, en 1791, dans la première Constitution française. L'histoire de l'objet passeport évolue au XIXe siècle. Il devient cette souche à laquelle s'ajoutent des feuillets délivrés par les administrations rencontrées et comporte un portrait de son détenteur. Taille, forme, couleur des yeux, des cheveux, une description approximative à laquelle on tente de remédier au XIXe siècle, siècle des nationalismes et des sciences de l'identification, des caractéristiques humaines, des signes particuliers dont la cartographie est censée rendre compte d'un individu, des mots pour décrire avant l'invention de la photo d'identité et du passeport biométrique, dernière étape connue de la science du contrôle. L'usage du passeport est renforcé au XXe siècle en Europe, qui a vu s'effondrer trois empires avec la Première Guerre mondiale. Les apatrides sont nombreux et la Société des Nations, tout juste inventée, trouve une solution internationale qui s'impose. Un passeport en forme d'accordéon qui permet par exemple aux Russes puis aux Arméniens dans les années 20, ou encore aux Espagnols, aux Autrichiens et aux Allemands à la fin des années 30, d'attester de leur identité pour être autorisés à circuler avec leur collection de timbres, de visas, de tampons. Une frontière de papier apparaît entre les étrangers et les nationaux. On circule de plus en plus, les guerres n'en sont pas le seul déclencheur, et la détention d'un passeport devient tout aussi bien un critère d'inclusion que d'exclusion au sein des populations qui se déplacent, contraintes ou volontaires. Le passeport ne libère qu'une partie des voyageuses et des voyageurs quand elle en enferme d'autres dans l'impossibilité de se déplacer ou dans une circulation hors la loi. Le journal de l'histoire et les liens utiles sont à retrouver sur l'appli Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Et merci aussi à France Bleu Occitanie, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster, non pas My One Gives You, le cours de l'histoire sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre histoire de la danse. Attention, branle, passe-pied, bourré, histoire de la danse traditionnelle.